33. Us, fructus et abusus. Lu par François Schnell. Us, fructus et abusus. La propriété, caractérisée par trois attributs, rappellent les juristes. L'us, le droit d'utiliser un bien. Le fructus, le droit de bénéficier de ses fruits. Et l'abusus, le droit d'en disposer. La propriété intellectuelle, même limitée dans le temps, et criblée d'exceptions, est donc avant tout un droit d'interdire, un droit d'abuser et de contrôler tous les usages de sa création. Un écrivain peut refuser la diffusion de ses œuvres en édition de poche, comme l'a fait, durant toute sa vie, Julien Gracq, en restant fidèle au très beau livre de la maison d'édition de José Corti, dont les pages doivent être coupées avant lecture. Un compositeur peut interdire à quiconque de jouer sa musique, même si l'interprète aurait su la magnifier. À force de se focaliser sur la propriété intellectuelle, on aurait presque fini de perdre de vue l'existence d'une multitude de créations sur lesquelles ne s'exerce pas ce contrôle. Un espace de la connaissance où abusus est ignoré, où la libre circulation est la règle et non l'exception. C'est notamment le domaine de la science ouverte, sans brevet, où les héritiers d'Einstein ne sauraient interdire à quiconque l'apport des travaux de leurs ancêtres pour explorer l'univers. C'est là aussi qu'ont pris leur essor les expériences volontaires de collaboration et de partage des savoirs. J'appellerai ici domaine public ce vaste continent de la connaissance et de la culture en accès libre. Cette dénomination est juridiquement fausse, bien sûr. En droit, le domaine public est un abîme où les œuvres et l'innovation échouent une fois le délai de protection expiré. Ne dit-on pas « tomber dans le domaine public » ? Il faut en finir avec cette conception négative des ressources en libre accès. Le domaine public, historique, n'est rien d'autre que le patrimoine commun de l'humanité, le réservoir des savoirs et œuvres du passé que les scientifiques, les développeurs de logiciels libres ou les artistes alimentent. Une définition moderne du domaine public doit intégrer, tout à la fois, les créations qui ne sont plus protégées, mais aussi celles que leurs auteurs ont désiré mettre en libre accès. Car c'est bien le libre accès qui caractérise cette définition étendue du domaine public, et certainement pas l'absence de règles ou le déni de rémunération et de reconnaissance. Seul l'abusus s'efface, l'us non. Aucun auteur de logiciel libre ne saurait se voir dénier le droit de jouir de sa création, pas plus qu'un chercheur ou un écrivain. Quant au fructus, il ne se mesure pas en termes purement pécuniaires, la rétribution y est tout aussi symbolique et sociale que financière.